Le félin géant, roman de Joseph-Henri Rosny aîné, roman faisant suite à la guerre du feu, lecture par Ramina Grobis pour le compte de audiosite.net sous licence creative commons.org.